L'approche qu'avait Cézanne de l'aquarelle était multiple et impliquait souvent un jeu entre le dessin et la couleur. Il commençait par tracer des lignes, comme pour un croquis, et ces lignes servaient de structure au revêtement appliqué à coups de pinceau coloré. Parfois, il appliquait la couleur au-dessus du tracé pour mettre en valeur un contour ou pour suggérer le mouvement de la composition. Regardé à travers un instrument grossissant, le dessin révèle des esquisses à la mine graphite sous l'aquarelle aussi bien que des marques qui débordent de l'aquarelle ou la recouvrent.